Parmi les langues nationales européennes où le latin a laissé des traces, notons ce passage ce qui s'est passé en Turquie, dont une partie est déjà européenne. L'antique cité grecque de Byzance devint Constantinople au IVe siècle de notre ère, sous l'empereur romain Constantin, qui en fit la capitale désormais de l'Empire romain d'Orient, ajoutant le latin au grec comme langues officielles. À partir de 1453, date, nous l'avons vu, de la chute de cet empire romain d'Orient, Constantinople devint Istanbul, capitale de l'empire ottoman. Une fois islamisé, ce nouvel empire adopta l'alphabet arabo-persan dont la basilique Sainte-Sophie porte encore la marque. Or, en 1928, par décision de Mustafa Kemal Atatürk, qui, 5 ans plus tôt, avait fondé la République turque, l'alphabet latin vint remplacer cet alphabet arabo-persan. Pourquoi? D'une part, parce que cet alphabet était mieux adapté aux phonèmes de la langue turque, mais en plus, parce que l'utilisation de cet alphabet latin répondait exactement à la volonté d'Atatürk de moderniser la Turquie.